les filles du Touquet. De Karine Misquet. Paris. GMT plus 1. 4h45. Comme chaque nuit, à 4h45 précise, un mystérieux processus interne actionne l'interrupteur mental de Jessica Ferreira. Alors que l'instant d'avant, elle dormait profondément, la voici en une fraction de seconde totalement éveillée. Aussitôt, ses yeux se vissent sur la seule source de lumière de sa chambre, les chiffres en diode rouge de son radio-réveil. Elle les fixe en retenant sa respiration et sans siller. Ça fait partie de ses rituels. Vivre en pleine conscience le premier passage de minute de la journée. 4h46. Comme chaque matin depuis 3 mois, à 4h46, Jessica reprend son souffle et cligne des yeux en repensant à son dernier anniversaire. Ce moment où Pedro lui a offert ce radio-réveil en bois et métal brossé qui coûte 55 euros chez Habitat. Dès qu'il avait quitté le salon dans un doux sourire, après les bougies et la chanson, elle était allée vérifier le prix sur le site du magasin pour savoir à combien il évaluait leur amitié. Ça lui avait semblé parfait ce prix. Au-delà de 100 euros, elle aurait été gênée. En dessous de 30, elle se serait sentie humiliée. Comme toujours, Pedro savait. C'est pour ça qu'elle l'avait choisi. Il était juste en toute chose, au volet, comme en amitié et en affaires. Jessica aurait été incapable de définir la nature de leur relation. Elle attendait de lui une chose particulière qu'il s'était jusqu'à présent arrangé pour ne pas lui donner, sans jamais la lui refuser formellement. Pour jouer avec son désir, pas de doute, c'était un pro. Pire que la plus faussement innocente des meufs. Mais ce jour-là, il lui avait enfin offert une raison tangible d'espérer que le terme de son attente approchait. Depuis, chaque matin, la jeune fille repensait aux mots qu'elle avait trouvés avec le réveil, griffonnés sur une feuille arrachée à un carnet à spirale. Bon pour... point de suspension. Valable jusqu'au 31-12-2015. C'était vraiment lui, ça. Pourquoi des points de suspension ? 4h51. Pourquoi ne pas avoir écrit tout bonnement « Bon pour une inoubliable nuit d'amour, valable jusqu'au 31-12-2015 » Ok, laisse tomber, inoubliable, c'est tout pourri, mais... nuit d'amour, au moins. Il voulait dire quoi, ces putains de points de suspension ? Pedro sait que Jessica a d'une discrétion maladive. Jamais elle n'aurait laissé qui que ce soit, fût-ce Lola, surtout Lola, lire ce qu'il lui avait écrit. Allait-il encore inventer un prétexte ? Elle attendait tout de même déjà depuis 2 ans, 3 mois et 1 semaine. Jessica ferme les yeux, repense à ce vendredi soir, 8 jours avant ses 14 ans, où elle s'était plantée devant lui à la sortie de son entraînement de volley. Il jouait en équipe de France Junior alors. Elle l'avait regardé dans les yeux et lui avait tout sorti d'un coup. Il avait souri tout doucement avant de lui expliquer pourquoi ce n'était pas possible. Mais Jessica n'était pas fille à se laisser démonter. Elle avait répondu qu'elle attendrait encore 1 an, aucun problème, avant de tourner les talons, marcher avec dignité jusqu'au coin de la rue, s'enfoncer sous un porche et pleurer en silence sur ces mots qu'elle n'avait jamais encore entendus. Majorité sexuelle. Mais quelle étrange langue parlent donc les adultes. Il lui faudrait bien 1 an, oui, pour l'affronter, à défaut de la faire sienne. 5h09. C'est son moment préféré de la journée depuis qu'elle est toute gamine. Les petites heures entre rewind et fast forward. Au début, personne ne comprenait. Surtout pas Sophie, sa mère, qui n'arrivait pas à se faire à cette vision matinale. Sa fille, Jessica, 6 ans, déjà habillée et prête à partir à l'école à 7 heures du matin, alors qu'elle émergeait à grand-peine de sa nuit médicamenteuse. À l'époque, Sophie faisait encore l'effort de se lever et de l'amener à l'école. Ça avait duré jusqu'au CM1. Puis Jessica avait dû se prendre en charge toute seule le matin. À partir de la 6e, elle avait commencé à s'occuper aussi de sa mère, qui avait cessé depuis longtemps de s'intéresser aux causes des insomnies de sa drôle de gamine. Finalement, le médecin du club lui avait donné une raison qui valait ce qu'elle valait. C'était son métabolisme qui voulait ça. 4 à 5 heures de sommeil par nuit suffisaient à Jessica. Un phénomène très rare à son âge. Mais c'était ainsi. 5h23. Jusqu'à l'été dernier, de 5h moins le quart à 6h55 du matin, assise toute droite dans son lit, elle revivait l'intégralité de son dernier match dans sa tête. Les buts qu'elle avait réussi à stopper, et surtout celui, ou pire, ceux qu'elle avait laissé marquer à l'équipe adverse. Elle était la meilleure gardienne de son club, Jessica. Mais ça l'a tuée à chaque fois d'encaisser un but. Elle se renfermait après le match, refusant toute consolation, tout contact physique. Et de retour dans le F3 du boulevard Ney, la nuit, après avoir bordé sa mère, elle se mettait en mode replay. revivant son erreur, encore et encore, jusqu'à ce que le sommeil la terrasse. Au réveil, 4 heures plus tard, c'était reparti pour un tour. La honte et la douleur d'avoir failli la transpercer à chaque fois avec autant de violence. Un calvaire. Alors quand à la fin du collège, Jean-Louis, son entraîneur, lui avait proposé d'intégrer une section sportive scolaire au Mans, elle avait décliné, utilisant sa mère comme prétexte, et puis les rillettes aussi. Non mais Jean-Louis, t'es sérieux là? Tu veux m'envoyer jouer au foot chez les mangeurs de rillettes? L'entraîneur n'avait pas compris, lui rétorquant qu'elle n'était même pas musulmane. Où était le problème? Laisse tomber Jean-Louis, tu capteras jamais. Jessica s'était contentée de rire. Lors de sa dernière saison au club, elle ne laissa aucun ballon atterrir au fond de ses filets. D'accord, elle renonçait à embrasser la carrière de footballeuse, mais que tout le monde sache bien que c'était elle la meilleure. 5h42. Depuis septembre, Jessica est en seconde au lycée François Rabelais, 75 018 Paris. La jeune fille a abandonné le foot comme une vieille défroque qu'il lui fallait laisser derrière elle, du côté de cette enfance avec laquelle elle ne voulait plus rien avoir à faire. Maintenant, au milieu de sa vie, il y a un grand vide, qu'elle contourne avec précaution tous les matins à partir de 4h45. C'est pour ne pas surplomber le gouffre trop longtemps qu'elle fixe sa pensée sur Pedro et l'attente. Elle fait mine d'être pressée de passer à l'étape suivante, comme elle l'est de changer de monde quand elle joue à Zombie Tsunami sur son smartphone premier prix. Mais Jessica sait très bien attendre. C'est pour cela qu'elle était une aussi bonne gardienne de but. Elle habitait ce temps suspendu, entièrement disponible, ouverte à toutes les sensations. Lorsqu'une joueuse de l'équipe adverse approchait de la surface de réparation, balle au pied, bien décidée à marquer, elle ne faisait plus qu'une avec elle, ressentant dans sa chair chacun de ses mouvements, chaque modification des traits de son visage. Elle était l'adversaire, elle était la balle et le vent aussi. Dans ces moments-là, impossible d'envoyer le ballon au fond de ses filets. C'est pour cette raison qu'elle ne supportait pas de prendre un but. C'était forcément de sa faute, entièrement. Elle avait baissé sa garde un quart de seconde et une image était venue tout brouiller, perturber le flux pur de ses sensations. Il s'agissait le plus souvent d'un fantôme venu du passé. Son esprit l'avait trahi, refusant de laisser stagner bien sagement au fond de son inconscient la mare de l'amertume. 6h07. Après, elle en avait pour des jours à évacuer les deux images mêlées. Le ballon qui rentre et le mauvais souvenir qui lui avait ouvert le chemin. Alors maintenant que Jessica s'est libérée de cette balle de cauchemar, elle peut regarder l'avenir, c'est-à-dire Pedro et l'adieu à sa virginité. Il lui est impossible de se projeter au-delà de cet horizon incertain, cet instant qu'elle imagine de vérité. S'il lui avait franchement dit non, elle aurait souffert toutes les morts avant de passer à autre chose. Mais Pedro n'est pas comme ça. Il laisse toujours des portes ouvertes. Celle-ci est entrebâillée depuis plus de 2 ans. Jessica avait 13 ans, 11 mois et 3 semaines quand lui était venue cette idée lumineuse. S'offrir sa première nuit d'amour le jour de ses 14 ans. C'était immédiatement poser la question du partenaire. Pas un des gamins du collège, cette bande de morveux qu'elle traînait pour certains depuis le cours préparatoire. Pas un vieux libidineux de 35 ans, comme Amine, le proprio du bar à chicha de la rue du Mont-Cenis. Non, un type beau, simple et magnétique. Et dans son environnement immédiat, un seul correspondait à cette description. Pedro. 6h28. À cette époque, il était sportif, comme elle. Un volleyeur de 21 ans. C'est en le voyant monter au filet et s'élancer qu'elle avait craqué pour lui. Pas amoureuse, non. Ce n'était pas dans son vocabulaire. Elle laissait ça à Lola, sa meilleure copine, qui rêve de l'homme de sa vie en matant des vidéos hardcore sur Rap de France et Bouscapé. Son dernier coup de cœur s'appelle Gradure. Un vrai romantique qui affirme en exhibant ses muscles « Je vous baisse tous, je vous dois rien, il n'y a que maman qui m'a donné du lait. Je les entends tous dire que je suis qu'un effet de mode, que je vais pas durer, je m'en bats les couilles, je vais avoir une chouin, j'hésite entre la Manix et la Durex. » Jessica n'aime pas le rap, elle n'écoute que Radio Classique. Sans doute par réaction à sa mère qui, lorsqu'elle était encore une adulte vaguement fonctionnelle, lui infligeait en boucle l'intégrale de Mylène Farmer. Jessica avait beau alors ne pas comprendre le sens des paroles, elle se bouchait les oreilles quand elle entendait l'auteur de ses jours entonner à tue-tête dans la cuisine « Je suis libertine, je suis une catin ». Quelque chose en elle se condensait. Jamais elle ne serait ça. Cette allergie aux paroles explicites empêchait peut-être Jessica de comprendre pleinement Lola et le comportement de certaines jeunes filles modernes. Elle jugeait sévèrement sa meilleure amie qui tombait amoureuse tous les 4 matins et cédait bien trop souvent à son goût au jeune homme de 16 à 25 ans qui la faisait craquer. Elle ne percevait pas l'autre aspect de la personnalité de Lola, Une farouche indépendance qui se traduisait par son assiduité au cours de self-défense du Killer Ladies Fight Club. Lola aimait les hommes, certes, mais en mode girl power. C'est pour cela que ses histoires ne duraient jamais. Elle était à chaque fois persuadée que c'était pour la vie, mais dès que le garçon faisait mine de se montrer dominateur, elle le passait au broyeur comme une serviette hygiénique usagée. Jusqu'au prochain coup de foudre. Non, Jessica n'a jamais été amoureuse de Pedro, mais fascinée par son aisance, sa fluidité. Aucun autre garçon, ni avant ni après, ne lui avait fait le même effet. Ce serait donc lui, car elle ne se pardonnerait jamais d'avoir fait le mauvais choix pour sa première nuit. C'est précisément parce qu'elle n'était pas amoureuse que ça devait être lui. Elle se répétait comme une ritournelle « Je veux pas qu'on se marie, je veux pas que ça dure plus d'une nuit, mais de cette nuit-là, je vais me souvenir toute la vie. » Toute la vie. 6h55. Comme chaque matin, le radio-réveil se déclenche. Glenn Gould, les variations Goldberg. Ça la rassure. La journée va bien se passer. Plus que 2 minutes avant de se lever, s'occuper de maman, quitter la bulle pour le monde, et c'est le moment que choisit le téléphone pour annoncer l'arrivée d'un SMS. Tu peux me rendre un service? C'est important. Bien sûr. 7h40, en bas de chez toi. T'es vraiment obligé d'aller au lycée aujourd'hui? Je peux m'arranger. C'est aussi pour ça qu'elle se sentait proche de Pedro. Il était la seule personne de son entourage à ne jamais utiliser d'abréviation dans ses textos. Hastings, GMT. 3h45. Comme chaque vendredi matin, à 3h45, Terry Christensen se réveille en sueur et en hurlant. Toujours le même cauchemar, toujours à la même heure. Sa maison est en flammes, sa femme et ses enfants piégés à l'intérieur. Il doit à tout prix les sauver, mais un cordon de policiers lui barre le passage. Il tente de le contourner et tombe sur son plus vieil ami, Edward, le capitaine des pompiers. Ed le serre contre lui d'un geste puissant et protecteur. Laisse faire mes gars, Terry. Si tu rentres dans cette maison, tu es mort. Et ça va changer quoi pour Aïda et les gosses? 3h46. Comme chaque vendredi matin, à 3h46 depuis un mois, Aïda prend son mari dans les bras et tente de l'apaiser. Elle essuie la sueur sur son front, lui parle tout doucement. Voilà, c'est rien, je suis là. Les enfants dorment, tout va bien. Il s'abandonne à ses mots, ses caresses maternelles, et se rendort. 4h45. Déjà une heure qu'allongée toute raide dans le lit conjugal, Aïda tourne et retourne les mêmes inquiétantes pensées dans sa tête. Terry lui cache quelque chose. Depuis 12 ans qu'ils vivent ensemble, il a toujours dormi comme un bébé. Ses cauchemars, soudain, c'est un signe du malin. Comme par hasard, depuis un mois, son mari invente des prétextes pour ne pas venir au culte le dimanche. La dernière fois qu'il les avait accompagnés avec les garçons, c'était 2 jours après son premier cauchemar. Elle avait bien observé sa réaction lorsque Beth avait été libérée de son démon. Certes, elle était tombée par terre en hurlant et en agitant en tous sens ses bras et ses jambes comme la damnée qu'elle était jusqu'à cet instant précis. Certes, de la bave coulait sur son menton et ça, non, elle n'était pas belle à voir, la coquette et raffinée Beth Garner. Mais tout le monde l'entourait, l'église entière était amour et cet amour la portait, la ramenait à elle-même et aux autres. Il n'y avait qu'à voir son sourire, après. Eh bien, au lieu de se réjouir comme tous les vrais chrétiens présents, Terry était devenu tout pâle. Il avait prétendu qu'il devait vérifier si la porte de la voiture était bien fermée et les avait abandonnés précipitamment. Aïda avait dû envoyer son dernier lui courir après pour qu'il lui laisse les 20 livres de la quête. La respectée Aïda Christensen, née Fisher, music minister de l'Open Heart Church of Hastings, était tout sauf naïve. Elle savait qu'en fait Terry fuyait son moment de vérité. Le parking de l'Open Heart était clôturé et gardé. Qui allait les voler dans la maison du Seigneur? Non, Terry avait fui car s'il était resté, il n'aurait pu empêcher son démon de se révéler. La force de l'amour à l'open heart, elle ne l'avait connue nulle part ailleurs, et pourtant elle était une experte. Depuis que sa mère avait rencontré Dieu, l'année de ses 12 ans, Aïda avait fréquenté la plupart des églises pentecôtistes du sud-est de l'Angleterre. Non, elle en était certaine à présent, Terry voulait se le garder, son esprit malin. Pas question de le libérer en public. Bien qu'il fît 23 degrés Celsius dans la chambre, Aïda frissonna. Comme si le démon de son mari s'était amusé à ramper le long de son épine dorsale. 5h13. Quel pouvait bien être le sale petit secret de Terry? Ça avait à voir avec la France en tout cas. Et avec James, le jeune frère d'Aïda, qu'elle aimait plus que tout. Il marchait du côté obscur, elle le savait bien, mais comment lui en vouloir? Sa conception même avait été l'œuvre du démon. Et puis, il était tellement beau. Depuis toujours, on l'appelait Handsome James, tant il avait l'air d'un ange. Terry et James n'avaient jamais été particulièrement proches. Pourtant, depuis un mois, ils s'appelaient régulièrement. Pour affaire, disait-il, sachant qu'Aïda ne chercherait pas à en savoir plus. Elle aimait que le monde soit en ordre. Les hommes gagnent l'argent, les femmes font tourner la maison. C'est ainsi qu'elle avait confié à son mari la petite fortune qu'elle avait héritée de son père pour qu'il puisse créer son agence immobilière. Elle savait que Terry vendait des propriétés des deux côtés de la Manche et utilisait souvent leur bimoteur pour amener en France les clients qu'il voulait impressionner. Mais sa connaissance des affaires de son mari s'arrêtait là. Aïda avait déjà suffisamment à faire avec 3 garçons à éduquer et l'orchestre de l'Open Heart à conduire. Elle savait aussi, car son amour pour son frère ne l'aveuglait pas, que James, qui n'avait pas d'activité connue, ne pouvait se payer ses costumes Armani grâce aux allocations chômage en diminution constante que lui octroyait trop généreusement l'État britannique et aux billets de 100 livres qu'elle lui glissait de temps en temps pour apaiser sa culpabilité d'avoir hérité seule de la fortune paternelle. Depuis des années, elle priait chaque dimanche que Dieu fait pour qu'enfin James voie la lumière. Et voici qu'il entraînait Thierry dans les ténèbres. Ce matin, elle en aurait le cœur net. Après avoir déposé les enfants à l'école, elle se rendrait directement à l'aéroport de Leeds à 1/2 heure de là. Elle verrait bien si Thierry retrouvait réellement les clients qu'il prétendait amener au Touquet ce vendredi encore. Paris. GMT plus 1. 7h50. Pedro et Jessica ont tourné le dos au lycée. La jeune fille se sent importante et fière. Pour la première fois de sa vie, on lui confie une mission qui excède les 665 mètres carrés de la surface de réparation. Elle se moque de savoir ce qu'il y a dans la valise et boit les paroles de Pedro. T'arrives au bar de l'Enduro, boulevard Thierry Sabine. Tu prends la première table à gauche de l'entrée et tu commandes un panaché et un croque-madame. Là. À 13h50 précise, un Anglais vient s'asseoir derrière toi. Tu le reconnaîtras, je viens de t'envoyer sa photo. Okay. Sa valise à roulettes est identique à la tienne. Il va la ranger juste à côté. Tu finis ton croc, tranquillement, puis tu pars, sans te retourner, avec sa valise à lui, jusqu'à l'appartement dont tu trouveras l'adresse et les clés dans cette enveloppe. C'est un appart en vente, il est à nous jusqu'à demain midi. Ensuite, tu fais ce que tu veux jusqu'à ce soir, 22h, où je te rejoins. Demain, après le déjeuner, on rentre ensemble à Paris. C'est clair? Parfaitement clair. Ça veut dire qu'on va passer la nuit ensemble? Ça veut dire que c'est ce soir? Il y a 3 chambres. Tu prends celle que tu veux. Mais quel salaud! Comment il peut me dire ça avec son quart de sourire qui me fait complètement craquer? Depuis le temps, Jessica a appris à contrôler ses émotions. Elle ravale son orgueil et sa rancœur comme un bon petit soldat. Ce soir, ils seront ensemble dans un magnifique appartement avec terrasse donnant sur la mer au Touquet Paris Plage. Et une fois là-bas, pas moyen qu'il lui échappe. Il le sait bien, même s'il n'en laisse rien paraître. Pedro is Pedro is Pedro. Pour le lycée, ça ira? T'inquiète, depuis que j'ai 12 ans, je signe moi-même mon carnet et mes mots d'absence. Et pour ta mère? J'ai demandé à Lola de passer s'en occuper, elle connaît la procédure, les médocs, les escarres, tout ça. Bon, tu prends la valise. Je te mets dans un taxi pour la gare du Nord. Ouais. Voici le billet de train. Et 200 euros pour tenir jusqu'à ce que j'arrive ce soir. Dans l'après-midi, fais les boutiques. Achète-toi une jolie robe. Ce soir, je t'amène dîner au Westminster. Faudra être chic, hein, et avoir l'air d'une grande. Plus que jamais, Jessica sait que c'est avec Pedro et personne d'autre qu'elle doit le faire. Dans sa tête tournent les mots magiques « Je t'amène dîner au Westminster ». Mais comme pour lui rappeler que la vie n'est jamais si simple, le téléphone sonne alors qu'elle roule vers la gare. Lola. Un mauvais pressentiment lui enjoint de ne pas répondre avant d'être dans le train. Évidemment, elle cède, prend l'appel et se traite de tous les noms dès qu'elle entend la voix de sa meilleure copine au travers des larmes. Jessie, c'est la cata. Maman m'a encore mise dehors. Elle m'a hurlé dessus. J'ai vraiment dû me retenir pour pas lui faire la prise du dernier cours de self-défense. Tu sais, celle où on attrape le visage de l'agresseur. Putain, comme je me suis retenue. Depuis qu'elles ont su dire leurs noms respectifs à la crèche, 14 ans auparavant, jamais Jessica n'a su refuser quoi que ce soit à Lola, et inversement. Sans Lola, Jessie n'aurait pu seule s'occuper de sa mère et éviter que la DAS ne s'en mêle. Mais aujourd'hui, c'est le jour le plus important de sa vie. Que sa copine l'oublie 24 heures. Et non. Lead Airport, GMT. 10h53. James est encore défoncé de la veille. Enfin, la veille. Ce n'est que vers 3h du matin qu'il a cessé de tremper son index dans le pot de MDMA sur les instances d'Ekaterina ou d'Irina, il ne savait plus. Ses petites copines étaient invariablement des apprentis mannequins russes, ukrainiennes ou biélorusses de plus d'1m78. Cette Galina, à moins qu'il ne s'agisse de Svetlana, lui avait judicieusement fait remarquer qu'il avait un voyage d'affaires en France ce matin et qu'il voudrait mieux qu'il n'ait pas l'air trop défait en arrivant à l'aéroport. Elle avait raison, cette conne d'Alexandra ou d'Oksana, non seulement à cause des douaniers, mais surtout parce qu'il devait, une fois de plus, supporter de traverser la Manche et passer quelques heures au Touquet avec ce connard de Terry le relou. SOMD, comme il avait pu l'expérimenter la dernière fois, Terry pouvait vraiment vous faire bad-tripper. Elle avait raison. Mais il ne supportait pas qu'on lui tienne tête. Alors il l'avait jeté en quittant la boîte, tout à l'heure. De toute façon, depuis quelque temps, il préférait nettement la MD à la baise. À quoi bon gorger de champagne hors de prix ces slaves interchangeables? Il lui restait 7 minutes avant de retrouver Terry dans le hall. Ça lui laissait largement le temps de s'enfiler un dernier trait à même le tableau de bord de sa Saab garée tout au fond du parking de l'aéroport. Il faudrait bien ça pour compenser les effets de la descente de MD et du babillage incessant de sa fiotte de beau-frère. 10h55. S'il n'avait pas penché la tête précisément à ce moment, James aurait vu passer sa sœur juste sous son nez cocaïné. Mais derrière ses énormes lunettes de soleil, Aïda l'avait vue. Elle avait maintenant la confirmation que quelque chose de louche se tramait entre les deux hommes de sa vie. Terry n'accompagnait pas un investisseur saoudien au Touquet. Il s'apprêtait à faire traverser la Manche à James, le bon à rien toxicomane, dans son avion à elle, ce Cessna de 1980 que son père avait entretenu avec amour jusqu'à sa mort. Quel coup tordu pouvaient-ils bien préparer ensemble, ces deux ratés? Le Touquet Paris-Plage, GMT plus 1. 12h53. Mais pourquoi donc Jessica avait-elle accepté que Lola l'accompagne? Quelle étrange malédiction la faisait toujours céder aux demandes les plus absurdes de sa meilleure copine. À partir du moment où elle l'avait laissé la rejoindre au terminus nord, 1 heure avant le départ du train, elle savait que cette escapade au Touquet était vouée à l'échec. Car Lola portait la poisse, c'était aussi simple que ça. Et elle était plus tenace qu'une sangsue. Sans aucun scrupule, elle s'était fait payer son billet de train par Jessica, tout en lui jurant sur tous les dieux qu'elle serait repartie avant l'arrivée de Pedro et revenue à temps à Paris pour prodiguer ses soins quotidiens à Sophie. La mère de Jess était sa seconde maman, elle ne l'abandonnerait pas. Et puis elle était sa meilleure copine. Jamais, au grand jamais, elle ne lui casserait son plan avec Pedro. Même si elle n'avait jamais compris ce qu'elle trouvait à ce type hautain et silencieux. Même si elle pensait qu'il fallait vraiment vivre au siècle dernier, voire à celui d'encore avant. Le 19e, t'as vu? Celui avec lequel on nous saoule tout le temps au bahut. Pour être encore vierge à 16 ans. Putain, Jessica, lâche-toi, y a pas que Pedro sur Terre. Trouve-en un autre. Et s'il te plaît plus, encore un autre. La vie est courte. Jessica se faisait une joie de découvrir le Touquet, mais la présence de Lola à ses côtés l'empêche de profiter du décor. Le chauffeur de taxi leur a demandé si c'était leur première visite et, sans leur laisser le temps de répondre, a enchaîné en leur proposant l'itinéraire touristique. « Vous inquiétez pas, c'est à peine un détour. » Et depuis, ils parlent, remplissant le vide qui s'est creusé entre elles. Jess ne perçoit que des bribes éparses de son discours bien rodé. Villa anglo-normande par-ci, cottage cosy par-là, jusqu'à ce qu'une bâtisse retienne son attention. Façade de briques imposante, solide et rassurante. On se croirait dans un autre temps, un autre pays. Accroché au-dessus d'une rotonde, les lettres annoncent fièrement « Westminster Hotel ». Et son cœur se serre. Les mots de Pedro ne datent que de quelques heures à peine, et déjà elle sait que cela n'aura pas lieu. Ni le dîner, ni la nuit. Ce n'est même pas la faute de Lola, juste une histoire de karma. Des larmes silencieuses coulent sur ses joues. Elle tourne la tête de l'autre côté, vers la forêt, pour que sa copine ne les voie pas. La dernière chose qu'elle souhaite, c'est d'être consolée. Qu'au moins elle goûte pleinement la tristesse et l'amertume. Consciente du drame silencieux qui se joue à côté d'elle, Lola contemple la photo de James. Dans le train, elle avait immédiatement flashé sur l'anglais à la valise. Il lui avait suffi de quelques minutes pour convaincre Jessie de la lui envoyer et de 7 secondes pour en faire son fond d'écran. Depuis, elle flotte sur un merveilleux nuage. Elle le sentait bien ce matin que cette fois était la bonne. En l'affichant dehors, sa mère lui avait offert la chance de sa vie. Elle repartira en Angleterre avec James. Aucun doute là-dessus. Il lui suffira de la voir pour savoir. Son plan était établi. Aussitôt Jessica ressortie de l'enduro, elle fera son entrée, s'assiera devant lui et lui expliquera qu'il ne peut pas retraverser la Manche sans elle. Ça n'a aucun sens de rentrer à la maison seule quand on a enfin rencontré la femme de sa vie. De toute façon, elle est partie de chez maman avec son passeport. Si ça, c'est pas un signe... 12h57. Pourtant, Terry a atterri des dizaines de fois au Touquet. Il sait qu'il faut se méfier du vent de travers et tenir fermement le manche. Mais aujourd'hui, il n'est pas dans son assiette. Les images de son cauchemar nocturne continuent de le hanter. Aïda, le visage déformé, émerge des flammes en le transperçant du regard. Elle le sait maintenant et s'en va lui préparer une place de choix en enfer. Et puis, le comportement de James est vraiment troublant depuis leur rencontre ce matin à l'aéroport de Leeds. Il n'arrête pas de grincer des dents, passe son temps à s'assurer que sa valise est bien calée entre ses pieds, tout en gigotant dans son fauteuil. Terry le surveille du coin de l'œil depuis le décollage, de peur qu'il ne fasse un mouvement brusque qui pourrait déstabiliser l'appareil. Ce qui ne manque pas. Voyant la piste se rapprocher, son jeune et fantasque beau-frère, sans crier gare, défait sa ceinture de sécurité. Terry lâche le manche une seconde en se tournant vers lui au moment précis où une rafale fait tanguer le Cessna. Il parvient, tant bien que mal, à redresser, mais la piste est déjà là, sous les roues. L'avion rebondit sur le sol, James se cogne contre le cockpit, sa paroi nasale, fragilisée par les innombrables traits de coke de la nuit, se met à pisser le sang. L'avion fait demi-tour et finit par arrêter sa course, penché à 45 degrés sur l'aile droite. Terry détache sa ceinture, examine la situation. James est blanc comme un linge. Du sang macule la vitre du cockpit, son siège, son Armani et sa valise à roulettes. Toute vie semble s'être retirée de lui. Pris d'une impulsion subite, l'agent immobilier ouvre la valise mystérieuse que son beau-frère transporte avec lui à chaque voyage et dont il ne se sépare à aucun moment. Des liasses de billets de 200 euros. Une fortune dont il est incapable d'évaluer le montant, mais qui excède largement les 50 000 livres que James a promis de lui verser au 10e voyage. Pourquoi attendre? Son beau-frère est mort, sans aucun doute. Les flics vont arriver, tout fouiller, confisquer l'argent et l'arrêter. Terry aura tout perdu, fric et réputation. Non, il faut de toute urgence fuir à travers champs et planquer le pactole. Il sera bien temps après de songer à la suite. 14h08. 18 minutes que James devrait être arrivé à l'enduro et Jessica en est à son deuxième panaché. Lola fait les 100 pas dehors en apprenant par cœur les phrases que sa copine, première de la classe en anglais, lui a écrites sur une serviette en papier. You are the one I've been waiting for all my life. When I saw your pic, it was love at first sight. And I prayed God to open your heart. Des conneries comme ça. Jessie a promis à sa copine que dès qu'elle aura quitté le bar, elle pourra prendre sa place et tenter de convaincre le bel Anglais de passer le restant de ses jours avec elle. Mais en l'absence du principal intéressé, leur plan ne vaut plus rien. Lola est maintenant inquiète. Qu'est-il arrivé à l'homme de sa vie ? Une intuition la pousse à aller sans attendre à l'appartement. Sans lui demander son avis, elle prend la clé à sa copine et se dirige à pied vers le 35 boulevard Thierry Sabine, à 2 minutes de là. 14h27. Le téléphone de Jessica vibre. C'est Lola. L'heure est grave. Elle a besoin d'elle de toute urgence. Jess embarque sa valise à roulettes et quitte l'enduro pour l'appartement avec le très net sentiment de faire la connerie de sa vie. Ça doit être ça, le sens du devoir. 14h33. Depuis 2 minutes 30, au bas mot, Jessica est bouche bée. Face à elle, un type dort. 40 ans, assommé et ligoté sur le canapé du salon, face à la mer. On ne peut pas dire qu'il profite vraiment de la vue. À ses côtés, une valise identique à celle que transporte Jace, tachée de sang. Les mots de Lola s'enroulent autour d'elle depuis un moment, en boucle. Elle a beaucoup de mal à leur trouver un sens. Mais tu comprends ? Il l'a tué. On n'a pas le droit de faire des trucs pareils. Il a tué James. Il a tué l'homme de ma vie. Jessie, dis-moi que tu comprends. Jessica tourne la tête vers elle et la foudroie du regard. Littéralement. 14h40. Réduite au silence, Lola s'est lentement laissée glisser le long du mur jusqu'à s'asseoir par terre. Jessica ferme les yeux. Elle aimerait que ça dure longtemps. Sentir la présence de la mer au loin et le soleil sur ses paupières. Imaginez le moment délicieux que Pedro ne lui offrira pas maintenant qu'elle a laissé sa copine tout foutre en l'air. Pire que le plus impardonnable des buts qu'elle ait jamais pris. Comment survivre à ça ? Faire le deuil. Se dire qu'elle se débarrassera avec un autre garçon de cette virginité qui lui semble soudain un enjeu bien dérisoire. Ce sera peut-être bien, peut-être pas. Ce sera la réalité. En attendant, faut nettoyer ce merdier. Et d'abord, comprendre ce qui s'est passé. 15h. La colère d'Aïda est incommensurable. Elle ne sait pas ce que lui cachent son mari et son frère, mais qu'ils se mettent ensemble pour lui mentir la met dans un état qu'ils auraient du mal à imaginer. Ses jointures sont blanches tant elle serre fort le volant de sa Rover. À l'aéroport de Leeds, après avoir vu son avion décoller avec Terry et James à son bord, elle était allée se faire communiquer le plan de vol. Après tout, l'appareil était toujours immatriculé à son nom. Puis elle avait pris la route vers Folkestone et le tunnel sous la Manche sans vraiment respecter les limitations de vitesse. Avec son téléphone main libre, elle avait commencé par appeler son banquier. Plus de 10 ans qu'elle n'a pas jeté un œil sur les comptes de l'agence immobilière dont elle est pourtant la seule détentrice légale. Cela faisait partie des clauses expresses de l'héritage. Gêné, Mr. Clerkenwell tente d'abord d'éluder, puis face à la froide fureur d'Aïda, il doit admettre qu'il n'y a plus un sou. Pire, les dettes s'élèvent à 50 000 livres environ. Elle a compris. Elle raccroche. Durant le reste du voyage, elle a tout revécu. Le scandale de la grossesse de Sandra, sa mère, alors qu'Alfred, son père, ne la touchait plus depuis des années. Scandale qui était resté confiné dans l'étouffant huis clos familial, car le très respecté Sir Alfred Fisher avait méthodiquement, année après année, puni son épouse pour son inconduite et élevé James, son bâtard de non-fils, dans le mépris le plus total. Durant tout ce temps, Aïda avait souffert en silence. Seul l'amour de Dieu lui permit de tenir dans la maison de la haine. Mais à ce moment, dans la voiture, et même si c'est injuste, elle accepte enfin la vérité. Elle est son petit frère depuis le jour de sa naissance. Il est l'image de son malheur. Jamais elle n'avait osé se l'avouer jusqu'à ce moment de vérité, seule dans la nuit de l'Eurotunnel. Deux heures plus tard, en arrivant à l'aéroport du Touquet, Aïda vit de loin l'avion sur la piste. Couché sur l'aile, recouvert de mousse carbonique, il faisait peine à voir. Jouant les innocentes, elle réussit à savoir que le pilote avait disparu et que le passager était à l'hôpital sur le parking duquel elle se gare à présent. Ça tombe bien, c'est le créneau des heures de visite, tous ses soins ont été faits. Sans doute en sous-effectif, la police n'a pas jugé utile de laisser un agent en faction. Ils reviendront prendre sa déposition lorsque James sera réveillé. De toute façon, rien de grave ne se passe jamais au Touquet. Terry est réveillé, lui, à présent, et assis, mais toujours ligoté. Il jette des regards craintifs à Lola, celle qui l'a assommée tout à l'heure alors qu'il venait de pénétrer dans l'appartement ouvert. Quelle idée aussi d'avoir équipé cette cuisine d'un rouleau à pâtisserie grand modèle. Lola avait regardé la valise ensanglantée, puis sans réfléchir, s'était saisie du rouleau bêtement posé sur le plan de travail et boum, un coup entre les deux yeux. Il aurait pu y passer. Heureusement, il y a l'autre fille, Jessica. C'est elle qu'il faut tenter d'amadouer en lui expliquant qu'il n'avait pas le choix. James étant inanimé, sans doute mort, il lui fallait fuir avec l'argent, sinon tout était perdu pour tout le monde. 15h30. James ouvre les yeux et ne comprend pas ce qu'il voit. Il est allongé sur un lit d'hôpital. Plus invraisemblable encore, Aïda, sa grande sœur, est assise sur ce lit. Peut-être qu'en fermant les yeux, ce mauvais rêve va se dissoudre. Il plonge en lui-même, ferme les écoutilles et se souvient. L'accident. Putain, c'est ça l'accident. Il est à l'hôpital, certes, mais le choc a déclenché une remontée de MD. En ouvrant tout doucement les yeux, le réel va se stabiliser autour de lui et cette conne d'Aïda aura disparu. Eh non, elle est toujours là. Avec un petit sourire sardonique qu'il ne lui connaissait pas. James essaye de dire un mot. Pas moyen de desserrer les lèvres. Il tente de se relever. Rien à faire, il est solidement attaché à son lit. Et voilà que cette bigote de première catégorie, cette salope qui a bouffé tout l'héritage avec son imbécile de mari, se penche vers lui et se met à parler. Écoute, petit frère. Jusqu'à présent, je t'ai tout passé, tout bâtard que tu es. Mais j'avais tort. T'es vraiment le fils de ton connard de père, ce pasteur imposteur qui a foutu ma vie en l'air. Alors avant que les choses n'empirent encore, tu vas tout me raconter. Qu'est-ce que vous venez faire ici chaque semaine? Et où est-ce que je peux trouver mon salopard de mari? James n'avait jamais entendu sa sœur prononcer un gros mot. Il ignorait même qu'elle en connaissait. 15h40. James avait toujours voulu penser qu'il était un dur. Il se rêvait en yakuza, ne craignant ni la douleur, ni la mort. Jamais il n'aurait imaginé que la pire épreuve de sa vie lui serait infligée par une femme. Pire encore, par celle qu'il déteste entre toutes, sa sœur. Dans sa jeunesse, Aïda avait commencé des études d'infirmière. Elle se rêvait en Florence Nightingale, sur les champs de bataille du Sud-Soudan, là où les chrétiens menaient la guerre sainte face aux envahisseurs musulmans. Puis elle épousa Terry. Il était ambitieux, beau parleur. Il lui offrait surtout d'échapper à la pesante angoisse du foyer paternel. Aïda avait abandonné d'un même coup ses rêves de sauver les gentils chrétiens d'Afrique et ses études d'infirmière. Quelques souvenirs lui en étaient restés, bien utiles aujourd'hui. Les yeux de James sont écarquillés d'effroi alors qu'il suit la lente progression de la bulle d'air dans le tuyau parfaitement transparent de la perfusion. Sa sœur, posément, a pris le temps de lui expliquer que, lorsque la bulle atteindra son cœur, c'en sera fini de lui. Ses soirées SOMD, ses mannequins blondes d'1m78 et plus. Il n'y aura plus que lui et son créateur et elle n'aimerait pas être à sa place à ce moment. James observe la lente progression de sa mort le long du tuyau transparent. Il doit admettre, enfin, qu'il n'est pas un yakuza. Seulement un petit blanc anglais qui a peur de la mort. Les larmes aux yeux, il lui fait signe d'arrêter, il implore pitié, il fait sous lui. 15h47. Les narines pincées de dégoût, Aïda ôte le cathéter ainsi que le ruban adhésif qui le bâillonne et attend. Précipitamment, son demi-frère, le bâtard, le fils de ce menteur de pasteur qui a ruiné son enfance, raconte tout. Le trafic, l'AMD, l'argent, le rendez-vous à l'enduro. Il donne l'adresse de l'appartement et demande pardon, pardon, pardon. Mais Aïda n'en a cure et s'empare de son téléphone portable dans la poche de sa veste Armani. Elle consulte ses derniers appels et sourit en constatant que James est assez crétin pour avoir enregistré sous le nom de Boss le numéro qui l'appelle le plus fréquemment. Son frère blêmit et se lance dans une litanie. Je me repens. Je suis un pécheur devant l'Éternel. Je sors d'ici et je me repens. Je te le jure, Aïda. Je te le jure sur ma vie. Mais si tu lui racontes ce qui s'est passé avant que j'ai pu récupérer l'argent ou la drogue, je suis un homme mort. Mort, tu comprends? Oui, je comprends très bien. Lâche nonchalamment Aïda en bâillonnant à nouveau James. Alors bien que je t'ai toujours haï, bien que tu sois depuis ta naissance la cause de mon malheur, je vais te laisser une chance de t'en tirer, parce que je suis chrétienne. Elle ferme les yeux et se met à psalmodier en détachant son frère. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Aïda se gare devant le 35 boulevard Thierry Sabine. Avant de sortir de sa Rover, elle compose un SMS destiné à Boss sur le portable de James. Je me suis fait voler la valise. Venez me chercher à l'hôpital du Touquet avant que les flics ne viennent m'interroger. Et de 1. Brighton, GMT. 14h55. Debout, tout au bout de l'immense jetée du Palace Pier, Floyd regarde vers le large, c'est-à-dire la Normandie. Il se souvient de cette jolie Française, prof d'anglais, rencontrée en vacances à Étretat l'an dernier. Comment s'appelait-elle déjà? Malika, Fatima? Il l'a sur le bout de la langue, pourtant. Samira, voilà. Elle avait quelque chose de particulier. Mais bon, quand on est un criminel professionnel, on évite de trop s'attacher. Eric, l'armoire à glace qui le suit partout, est debout, trois pas derrière lui, comme il se doit. Floyd se sent bien, en pleine possession de ses moyens. Depuis 3 mois, il dirige la branche de Brighton de la Family Stone, la famille mafieuse qui monte dans le sud-est de l'Angleterre. Et tout se passe comme sur des roulettes. Notamment depuis que, grâce à ce jeune Français, Pedro, il parvient à approvisionner en MD tous les clubs électro de la ville de Flatboy Slim. Ce qui n'est pas une mince affaire. Floyd ferme les yeux, revoit le moment où Samira s'approche de lui en déboutonnant lentement sa chemise blanche immaculée. Et s'il se payait à nouveau un week-end avec elle en Normandie, il a bien dû garder son numéro quelque part. Une petite tape sur l'épaule le sort de sa rêverie. Furieux, il ouvre les yeux, se retourne vers Eric qui lui tend, l'air désolé, son smartphone. 15h. Ce qu'il lit sur l'écran n'a tout simplement pas de sens. L'hôpital, la valise, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il réfléchit un moment, hoche la tête et rend le smartphone à Eric. Dommage, je l'aimais bien. Fais le nécessaire. Le Touquet Paris-Plage, GMT plus 1. 16h02. Pour Terry, les choses ne s'arrangent pas. Lola est partie à l'hôpital, avec le rouleau à pâtisserie, on ne sait jamais, en promettant à cet Anglais insipide que si James était mort, elle reviendrait l'étrangler de ses propres mains. Quant à Jessica, elle lui dit qu'il faut attendre maintenant. Ce sera à Pedro de décider de son sort. C'est un gars juste, Pedro, et certainement pas un tueur qu'il ne s'inquiète pas, mais lui seul peut prendre une décision. Pour la 14e fois, Terry entreprend dans un français plutôt correct d'implorer Jessica. Qu'elle le laisse partir avec l'une des deux valises. N'importe laquelle, mais qu'elle le laisse partir. Elle est bienvenue pour effectuer un échange de valises, non? Jessica le regarde sans rien dire. Exactement comme elle regardait la joueuse adverse sur le terrain, quand elle voulait lui faire croire qu'elle allait tirer dans le coin en bas à droite alors qu'elle visait la lucarne en haut à gauche. Les stratagèmes grossiers, avec elle, ça ne marche pas. No way. Alors Terry se tait. Il arrête de gaspiller sa salive pour tenter de convaincre cette fille qui ne veut rien entendre. Il se tait, ferme les yeux et écoute le silence. 16h04. 3 coups secs frappent à la porte et la voix forte d'Aïda résonne dans l'appartement. Terry, ouvre cette putain de porte, je sais que t'es là. 16h05. Alors qu'il vient de gagner 23€ à la machine à poker du casino des 4 saisons, Brett Gilmore sent son portable vibrer. Le message est laconique et précis. Hôpital du Touquet. James Fisher. Trouvé et éliminé. Récupérer valise à l'appartement déjà repéré, 35 boulevard T. Sabine. En week-end de détente au Touquet, Brett avait été prévenu par Floyd qu'il pouvait être amené à intervenir en renfort sur la mission pourtant simple de James. Un échange de valises dans un café. Il n'y avait en principe pas de quoi s'affoler. Mais voilà, les situations les plus simples, parfois, dérapent. Tout de même, éliminé, ça le peine. Il était sympa, James. Il se débrouillait toujours pour lui mettre un mannequin russe dans les pattes. La dernière, Svetlana, était vraiment une bombe. Avec quelques grammes de C et du Dom Pérignon à volonté, Fat Boy Slim au platine, il s'était fait une soirée d'enfer. Mais le travail, c'est le travail. 16h12. Depuis 7 minutes, Aïda et Jessica se jaugent. L'une est aussi pleine de haine que l'autre est d'un calme olympien. Bien maligne celle qui pourrait prétendre être sûre de l'emporter. Alors, elle se parle en employant des mots simples. Valise, argent, drogue. Aïda veut l'argent. Elle prétend qu'il lui revient. Que son mari a dilapidé la fortune familiale et qu'elle a droit à un dédommagement. En revanche, Terry, elle le lui laisse. Qu'elle en fasse ce qu'elle veut, mais vite, car les patrons de James sont au courant. Ils peuvent arriver à l'appartement d'un instant à l'autre. Jessica réfléchit. 16h13. Lola a cette capacité étonnante d'obtenir ce qu'elle veut. À l'hôpital, elle se fait passer pour la petite amie de James et arrive à l'étage au moment même où il est en train d'être raccompagné dans sa chambre par l'infirmière. Bah monsieur, vous alliez où comme ça? Hein? Faut pas arracher la perfusion. Vous êtes beaucoup trop faible. Lola attend que James soit à nouveau installé, sous perf, et que l'infirmière soit repartie pour se glisser dans la chambre. Il a l'air d'un animal traqué, dans son lit, en pyjama d'hôpital. Elle n'avait pas du tout imaginé ainsi leur première rencontre, mais c'est encore meilleur. Il est à sa merci, elle a le pouvoir de le sauver. Il suffit qu'il lui fasse confiance. Et ça, elle sait l'obtenir. Son index se pose sur ses lèvres enduites de gloss. Chut. Beautiful man. Trust me, and I will save you. Le bip d'un SMS retentit sur son téléphone. Reviens, ça va mal. Des tueurs sont en route pour liquider James et Terry. S'ils nous trouvent, on y passe aussi. Lola sourit et se met à fredonner l'air préféré de ses 12-13 ans. Le morceau de Beyoncé qu'elle chantait en boucle en cinquième et dont elle avait appris la choré. Toujours en pyjama, mais recouvert de sa veste Armani tachée de sang, James arrive sur le parking, soutenu par Lola, pour se retrouver nez à nez avec Brett. Déstabilisé par cette apparition, le tueur a un moment d'hésitation et de culpabilité avant de s'emparer de son Beretta prépositionné à l'arrière de son jean. Juste le temps qu'il faut à Lola pour lui ajuster un coup de pied entre les jambes. Depuis un an qu'elle le prépare celui-là, à chaque cours de self-défense. Elle enchaîne aussitôt avec un coup de rouleau à pâtisserie derrière la nuque. James n'en revient pas. D'où sort cette jeune Française qui se prétend amoureuse de lui et qui vient de lui sauver la vie? C'est son ange gardien. Il n'y a pas d'autre possibilité. Dieu a entendu sa prière tout à l'heure. Il est sauvé. Hé, hey, oh James, ton gars, il va pas rester évanoui toute la vie. On le ficelle comme un rôti, on l'embarque avec nous et on se tire. On va pas laisser un tueur en liberté. James ne comprend pas un mot. Mais acquiesce. C'est son ange gardien. Il remet sa vie entre ses mains. 16h40. Dans la Subaru de Brett, il y avait tout le matériel nécessaire. Menottes en plastique, chatterton, etc. L'homme de main est solidement ficelé à l'arrière lorsqu'elle se gare devant le 35 boulevard Thierry Sabine. Jessica, Aïda et les deux valises sont sur le trottoir dans une ambiance glaciale, malgré le soleil de ce début d'été. L'arrivée de Lola change substantiellement le rapport de force. En voyant son frère assis sagement à l'avant et Brett allongé et attaché à l'arrière, Aïda comprend qu'elle n'aura pas le dessus contre les deux jeunes filles. Il lui faut décider vite, repartir avec la valise de MD ou sans rien. Mais d'abord, effectuer les vérifications d'usage. Décidément, son année d'études d'infirmière ne lui aura jamais autant servi qu'aujourd'hui. Aïda pose deux doigts sur la trachée au niveau de la carotide et secoue la tête. You killed him, little girl. Elle s'empare de son téléphone et compose le numéro de boss. 19h32. Pedro voit s'avancer Jessica sur le quai de la gare du Nord. Elle tire une valise à roulettes tachée de sang en souriant. Il la regarde et comprend qu'elle est une autre désormais. Il ne sait pas ce qui s'est passé au Touquet, mais il est clair qu'elle n'est plus une jeune fille. Il est soulagé et triste à la fois. Brighton. GMT. 22h. Au bout du Palace Pier, Aïda retrouve Floyd. Elle lui remet la valise. Mon frère ne vous posera plus de problèmes. Vous n'entendrez plus parler de lui. C'est moi votre interlocutrice à présent. Je suis la music minister de l'Open Heart Church of Hastings. Je ne me drogue pas, je ne baise pas de mannequins russes. Vous ne trouverez pas mieux sur le marché. Bien entendu, j'ai pris mes précautions au cas où il m'arriverait quelque chose. Mais vous connaissez mieux que moi ce genre d'arrangement. Pas la peine de vous faire un dessin. Ah, et voici l'adresse où vous retrouverez le corps de ce pauvre Brett. Ce n'était vraiment pas intentionnel, je vous l'assure. Et je prierai pour le repos de son âme. Le Crotoy, GMT plus 1. 23h03. La grand-mère de Lola était tellement contente de revoir sa petite fille. Cela faisait plus d'un an qu'elle refusait de venir en vacances en baie de Somme. Elle n'en pouvait plus du marché aux poissons et des flamants roses. Mais là, avec James, elle s'était prise à rêver d'une vie simple, loin de tout. Il est installé dans la première chambre du haut, juste à côté de la sienne, à la décoration rustique et rassurante. Lola a préparé une bouillotte et un édredon à l'homme de sa vie. Tout en sombrant lentement dans le sommeil, il la regarde avec émerveillement. Brighton, GMT. 2h27. The Arch, le nouveau lieu mythique de Brighton, est plein à craquer. Discret et efficace, les dealers de Floyd ressemblent à n'importe quel clodeur. Ils ont l'œil et s'assurent que personne ne manque de rien. Grâce à eux, la MD, carburant de la nuit, irrigue la foule. Et lorsque Fatboy Slim prend les platines, une pure vague d'amour les emporte tous. Ceux qui ont gobé, comme ceux qui n'ont rien pris. Karim Miske. Avec Arnaud Simon, Anouche Paré, Alizé Soudé, Pauline Ziadé, Thomas Oliveres, Léo Reynaud, Jean-Gilles Barbier, Mustapha Abourachid, Rareh Chienéchoyé, Lisbeth Arazi-Mornay et Flora Brunier. étage. Bertrand Amiel. Conseillère littéraire. Caroline Oisana. Prise de son, montage, mixage. Benjamin Vignal. Et Sébastien Labarre. Assistante à la réalisation. Alice Cachaner. Réalisation. Cédric Ossir. Trouvez sur la boutique en ligne du Monde la saison 4 des Petits Polars avec Le Monde et SNCF.